Il faut y penser. Je me suis mis en tête de te faire épouser cette orpheline. Pourquoi pas plutôt à votre fils? Parce qu'elle n'a pas 20 ans et que Charles en aura bientôt 40. Elle ne voudrait pas de lui. Et d'ailleurs, mon fils n'a pas besoin d'une femme 6 fois millionnaire. Il ne saurait que faire de tant d'argent. Tandis que toi, avec les goûts que je te connais, tu ne trouverais pas que c'est trop. Je ne suis pas si ambitieux. Peut-être, mais tu es si dépensier. Bref, tu as tort de ne pas prendre au sérieux le projet dont je t'ai parlé. Tiens, je parie que tu n'as seulement pas songé à prier ton ami de te renseigner sur la famille dont je t'ai cité le nom. Un nom que je n'ai pas retenu. Un nom de ce pays-là, un nom qui rime avec Camargue. Bon, je me souviens, Marcillargue. J'avoue que je ne me suis pas rappelé la recommandation que vous m'aviez faite. Tu as pourtant, je suppose, vu hier soir ton camarade. Je l'ai rencontré à la closerie des Lilas, mais... Vous avez eu autre chose à faire que de causer du Languedoc, je le pense bien. Et à propos de ce Mirand, est-ce que... Mais oui, parbleu, c'est lui, n'est-ce pas, qui s'est mis dans ce joli pétrin? Et c'est pour lui que tu es venu me consulter? L'assommeur, c'est lui. Je vous assure que non, répondit vivement Cormier. Bardin en pensa ce qu'il voulut, et n'insista pas. Il avait pris le bras de son jeune ami, et il comptait ne pas le lâcher, avant de l'avoir mis en présence de son fils, à seule fin de les raccommoder. Paul se laissait emmener, et il était très perplexe. Il regrettait fort de s'être tant avancé, mais il sentait qu'il ne pouvait plus reculer, sous peine de gâter son affaire. Bardin aurait pu croire qu'il avait sur la conscience un véritable crime, et Bardin, vexé, aurait très bien pu faire part à son fils des confidences incomplètes que Paul Cormier lui avait faites, pendant le trajet de la rue des Arquebusiers au boulevard du Palais, où ils arrivaient en ce moment. Paul se disait aussi qu'il ne risquait pas grand-chose à accompagner Bardin père jusque dans le cabinet de Bardin fils, qui était certainement un galant homme, incapable d'abuser de la situation. Paul pensait même qu'il y pourrait gagner de savoir à quoi s'en tenir sur l'affaire criminelle que ce juge était chargé d'instruire. Le père ne manquerait pas d'en parler au fils en présence de Paul, et le fils le laisserait aller à donner des détails. Paul, renseigné, pourrait arrêter un plan de conduite en connaissance de cause, et dût-il se décider plus tard à confesser la part qu'il avait prise à la mort du marquis, rien ne l'obligeait à déclarer la vérité, avant de s'être consulté avec Jean de Mirande. « Nous y voilà, » dit le vieil avocat, en poussant Cormier sous une voûte qui aboutit à une cour. « Nous n'avons plus qu'à monter 2 étages. Tu n'es jamais entré dans un cabinet de juge instructeur. »« Jamais, Dieu merci. »« Pourquoi, Dieu merci ? Les plus honnêtes gens peuvent y être appelés comme témoins, et même comme prévenus, quoique ce soit plus fâcheux. Tous les prévenus ne sont pas des coupables. Tu vas voir que ça t'amusera. Nous allons rencontrer dans les couloirs des types curieux et des figures cocasses. » « Quoi, voilà que maintenant vous blaguez la magistrature ?»« Tu ne comprends pas. Je parle des gens appelés à déposer. On en voit de toutes les couleurs, sans parler des avocats qui rôdent par les corridors. Il y en a qui ont de bonnes têtes. Montons, Charles doit être arrivé. Tâchons de le voir avant qu'il ait commencé à entendre les témoignages. Si nous tardions, nous pourrions le déranger. » Paul Cormier se laissa guider par le père Bardin à travers un dédale d'escaliers et de couloirs, où stationnaient des gardes de Paris, et où passaient des individus des 2 sexes qui ne payaient pas de mine. Il y en avait d'assis sur des bancs fixés au mur, attendant leur tour de comparaître devant le juge, qui les avait fait citer. Maître Bardin connaissait tous les détours de ce labyrinthe, et il conduisit tout droit son jeune ami à la porte du cabinet de son fils, gardée par un planton, auquel il donna sa carte en le priant de la remettre immédiatement au juge d'instruction. Pendant que le soldat la portait, Paul eut le temps de remarquer, parmi les autres témoins qui faisaient antichambre, un homme assez convenablement vêtu, qui le regardait beaucoup, comme s'il eût été surpris de le voir là. « Sois gentil avec Charles, » dit à demi-voix le père Bardin, quand le planton revint les chercher pour les introduire dans le cabinet du juge. Le vieil avocat entra le premier. Son fils, en le voyant, vint à lui, les 2 mains tendues, laissant là un monsieur, avec lequel il causait, debout. Sa figure rayonnait à ce magistrat. Elle se rembrunit un peu quand il aperçut Paul Cormier, mais il ne reçut pas mal ce visiteur inattendu. Le juge lui demanda affectueusement des nouvelles de sa mère et le pria de s'asseoir, en attendant qu'il eût fini avec le monsieur qui les avait précédés dans le cabinet. Ce ne fut pas long. Il emmena son interlocuteur dans un coin et échangea avec lui quelques mots à voix basse et le reconduisit jusqu'à la porte. Puis, revenant à son père, il lui dit joyeusement : « Vous venez me féliciter, n'est-ce pas ? je crois que je tiens une affaire intéressante. Et vous avez bien fait de venir de bonne heure. J'ai je ne sais combien de témoins à entendre, et mon greffier n'est pas encore arrivé. Nous avons donc le temps de causer un peu, avant que j'entame les interrogatoires. Et vous, mon cher Paul, par quel heureux hasard avez-vous accompagné mon père? Venez-vous aussi me complimenter? Demanda en souriant le juge d'instruction. Charles Bardin avait l'air sévère, qui convient à un magistrat, mais sa voix était sympathique, comme sa physionomie. « Ce n'est pas tout à fait ça, » dit en riant le vieil avocat. « Je l'ai rencontré à ma porte comme je sortais pour venir te voir. Il avait une consultation à me demander. Je l'ai emmené avec moi, je la lui ai donnée en chemin et j'y ai ajouté un conseil qu'il hésite à suivre. Alors je l'ai décidé à en appeler du père au fils. Tu vas juger en dernier ressort. C'est bien de l'honneur que vous me faites. De quoi s'agit-il ? En deux mots, voilà. Hier soir, au quartier, grande bataille à la sortie de Bullier. Paul en était. On s'est fort assommé et il y a peut-être eu un tué. Diable ! Ce serait grave, mais il n'est pas certain qu'il y ait eu mort d'homme. Les batailleurs se sont dispersés après la bataille. Paul a fait comme les autres. Il paraît qu'on n'a arrêté personne. Il n'aurait donc qu'à se tenir quoi pour ne pas être inquiété. Mais il a été pris d'un scrupule et il est venu me soumettre son cas. Doit-il se présenter chez le commissaire de police et lui déclarer spontanément qu'il a pris part à cette rixe qui a si mal fini? Je lui ai conseillé de se tenir tranquille, et je pense que tu es de mon avis. Comme magistrat, je me récuse, dit presque gaiement Charles. Ça va de soi, mais comme ami, c'est une autre affaire, n'est-ce pas? Note bien que si un des combattants est resté sur la place, ce n'est pas la faute de Paul, qui est parfaitement sûr de n'avoir tué personne. Il craint que ce coup malheureux n'ait été porté par un de ses camarades. C'est très regrettable. Mais je déclare, en mon âme et conscience, que Paul n'est pas tenu de dénoncer ce garçon. Ce qu'il y a de certain, c'est que les lois qui punissent la non-révélation ont été abrogées, répondit évasivement Charles Bardin. Et il faut voir les choses comme elles sont, reprit Bardin père. S'il s'agissait d'un assassinat, comme par exemple celui sur lequel on t'a chargé d'instruire, Paul aurait le devoir d'éclairer la justice. Mais il s'agit d'une rixe entre ivrognes, ce qui est tout différent. Coups et blessures ayant occasionné la mort sans intention de la donner. C'est l'affaire de la police de chercher les coupables. « Mon cher père, vous plaidez si bien que je me rallie à votre opinion. »« Tu entends, Paul? Tu n'as qu'à ne pas bouger. »« C'est ce que je ferai, » dit l'étudiant. « Tâche surtout que ta mère ne sache rien. »« Si elle se doutait que tout est compromis dans une pareille bagarre, elle en ferait une maladie, la pauvre femme. »« Ah, ça, j'espère bien que ton ami l'assommeur se tiendra quoi aussi, et que s'il était arrêté, il ne s'aviserait pas de parler de toi. »« Je réponds que non. »« Alors tu peux dormir sur tes deux oreilles. » « Je suis étonné de n'avoir pas entendu parler de cette affaire, » dit Charles, moins optimiste que son père. « Je sors du parquet et j'ai causé avec ces messieurs, qui m'en auraient probablement dit un mot, s'ils l'avaient connu. »« Sans doute, ils n'ont pas encore reçu le rapport de la police. »« Ça s'est passé hier soir, et ça n'a pas une grande importance en comparaison de l'autre, celle qu'on vient de te confier. »« Elle est grosse, celle-là, hein, mon garçon ?»« Très grosse et surtout très mystérieuse. » « Jusqu'à présent, nous n'avons pas un indice qui puisse nous mettre sur la trace de l'assassin. »« Vous m'avez trouvé tout à l'heure causant avec le chef de la sûreté. Il venait m'annoncer que le corps vient d'être exposé à la morgue. »« Ah, dit Paul, ce monsieur qui était là, c'est... »« Le chef de la sûreté. Et il pense comme moi que le crime n'a pas été commis par un de ces bandits qui attaquent, pour les voler, les passants attardés dans les quartiers éloignés du centre. »« Le mort n'a pas été dévalisé. On a trouvé sur lui quelques pièces d'or. Ceux qui l'ont tué, car il devait être plusieurs... » se sont contentés de le déshabiller, à moitié. « Comment à moitié ?» s'écria le vieil avocat. « Ils ne lui ont laissé que son pantalon. Le gilet et la redingote étaient jetés à côté du cadavre. » « C'est singulier. Les assassins n'ont pas coutume de perdre leur temps à débarrasser leurs victimes des vêtements qui les gênent. Pourquoi ceux-là ont-ils pris cette précaution ?»« Je crois que j'ai trouvé l'explication du fait, » dit Charles Bardin. « Ils les ont enlevés pour les fouiller tout à leur aise. Ce n'était pas de l'argent qu'ils cherchaient, c'était des papiers. » Et ils les ont pris. La poche de la poitrine de la redingote avait évidemment contenu un portefeuille. Ça se voyait au pli de la doublure, m'a dit l'agent qui l'a examinée. Elle bâillait parce qu'elle était vide, et le portefeuille devait être gros. Bravo, s'écria le père, j'admire ta perspicacité. Paul ne l'admirait guère. Il pensait au portefeuille que M. de Gange lui avait confié avant le duel, et il lui passait des frissons dans le dos. Alors, reprit le vieil avocat, tu supposes que ce malheureux avait sur lui des valeurs, des titres? Ou des lettres compromettantes pour quelqu'un. On l'a tué pour les lui reprendre. Et il n'avait rien sur lui qui pût servir à le faire reconnaître par une carte de visite. Il en avait peut-être. Les assassins les ont fait disparaître. Et ça se comprend. Si on savait qui il est, on parviendrait à savoir qui avait intérêt à le supprimer et on arriverait jusqu'à eux. J'espère bien que j'y arriverai quand même. Ils n'ont pas pensé à emporter le chapeau. Or, sur la coiffe, il y a l'adresse du chapelier qui l'a vendu et une couronne de marquis. Depuis que le juge avait commencé à exposer, avec une visible satisfaction, les précieux indices notés par les agents, Paul Cormier était sur des charbons ardents. Tous les détails que donnait si complaisamment Charles Bardin se rapportaient si bien à l'affaire du duel nocturne que Paul ne doutait presque plus d'être tombé dans un guépier en se laissant aller à consulter précisément le magistrat désigné pour l'instruction qui venait de s'ouvrir sur un meurtre encore inexpliqué. Mais enfin, il n'en était pas sûr, et il s'efforçait encore de se persuader à lui-même qu'il n'y avait là qu'une coïncidence fortuite. Maintenant, il ne pouvait plus se faire la moindre illusion. C'était bien de la mort de M. de Ganges qu'il s'agissait. C'était même un plaisir que d'entendre ce grave magistrat, réputé comme habile, déraisonner à bouche que veux-tu, et prendre un duel pour un assassinat. Mais ces grosses erreurs n'empêcheraient pas qu'on parvint à connaître la véritable personnalité du marquis de Ganges. L'adresse de son chapelier y suffirait. Le chapeau a été acheté à Nice, reprit le juge. Il l'a acheté en allant à Monte-Carlo, pensa Cormier consterné, et cette histoire du portefeuille disparu achevait de le troubler. Sur ce point unique, Charles Bardin et le chef de la sûreté avaient entrevu non pas la vérité, mais une partie de la vérité. Paul savait où il était ce portefeuille qu'il venait de remettre à la marquise, et il envisageait avec effroi les conséquences possibles de ce commencement de découverte. Il en était à se demander s'il ne ferait pas bien de parer au danger en disant tout de suite la vérité. Raconter le duel et le rôle qu'il y avait joué, c'eût été faire la part du feu. Il lui en coûterait de gros désagréments, mais du moins, il n'aurait plus à redouter d'être accusé d'avoir commis un assassinat. Il se serait peut-être décidé à entrer, comme on dit, en style judiciaire, dans la voie des aveux. Une voie semée d'épines, et qui ne conduit pas toujours au salut ceux qui s'y engagent. Mais en se dénonçant, il eût été amené à dénoncer Mirande, et l'amitié lui fermait la bouche. Il ne pensa plus qu'à mettre fin au supplice qu'il endurait, c'est-à-dire à prendre congé de ce juge, qui sans s'en douter, jouait avec le fils de la vieille amie de son père, comme un chat joue avec une souris. Assurément, Charles Bardin n'essaierait pas de le retenir, car il devait avoir hâte de se mettre à sa besogne d'instructeur, et il avait donné son opinion sur le cas de l'étudiant. Paul comptait sans le père Bardin, qui n'était pas encore las d'admirer la sagacité de son fils, et qu'il l'aurait volontiers questionné 2 heures durant pour lui procurer de nouvelles occasions de mettre en évidence ses incomparables mérites. « Mon cher enfant, lui dit-il avec effusion, tu seras conseillé l'année prochaine. Maintenant, nous allons te laisser. Tu as déjà perdu assez de temps à m'écouter. Oh, il n'y a pas de mal. Mon vieux greffier est en retard, comme toujours. Je me propose même de lui déclarer que s'il continue à être inexact, je demanderai sa mise à la retraite. Et je ne sais pas encore si tous les témoins que je dois interroger sont arrivés. Quels témoins? Personne n'a assisté au crime. Non, malheureusement, je vais entendre les maraîchers qui ont trouvé le corps sur le boulevard Jourdan. » Cette indication aurait levé les derniers doutes de Paul Cormier s'il lui était resté l'ombre d'un doute. « Où ça se trouve-t-il, ce boulevard-là ? » ?»« Aux fortifications, près de la porte de Montrouge. C'est tout bonnement le chemin de ronde auquel on a donné un nom de maréchal de France. Et ce qu'il y a de curieux, c'est que l'homme a été tué, non pas sur le chemin, mais derrière une butte en terre, qui se trouve au milieu d'un bastion. Sous quel prétexte a-t-on pu l'attirer là ?»« Je me le demande, » murmura le père Bardin. Paul aurait pu renseigner le père et le fils, mais il n'avait garde. Seulement, leur aveuglement l'étonnait, et il lui prenait des envies de leur crier. « Comment ne devinez-vous pas qu'il a été tué en duel ? Ce n'est pourtant pas la première fois qu'on se bat à Paris derrière un cavalier. On y est mieux caché qu'au bois de Vincennes. Du reste, reprit Charles Bardin, aujourd'hui, je ne ferai pas grand-chose. Cette première séance ne sera qu'un prologue. Mon instruction ne se corsera qu'après que le cadavre aura été reconnu à la morgue. Diable, mais s'il ne l'était pas ! Il le sera. Il n'y a que les malheureux qui n'avaient ni feu ni lieu de leur vivant qu'on ne reconnaît pas sur les dalles de la morgue. Ce mort devait avoir des amis. On en a toujours quand on n'est pas dans la misère. Et d'ailleurs le chapelier de Nice qui lui a vendu son chapeau me renseignera. Mais permettez que je sonne pour savoir si mes maraîchers sont là. À ton aise, mon cher Charles, nous partons. La porte du cabinet s'ouvrit, un garçon entra, appelé par le coup de sonnette, et répondit à l'interrogation du juge, que les maraîchers en question attendaient depuis 10 minutes. Il ajouta qu'il y avait aussi là un homme qui n'avait pas reçu d'assignation, et qui demandait à être entendu, ayant, prétendait-il, à faire au magistrat instructeur une communication très importante et très urgente. qu'il me la fasse par écrit, dit Monsieur Charles Bardin. Quand j'en aurai pris connaissance, je verrai si je dois le recevoir. Mais je vais d'abord entendre les témoins que j'ai fait citer. Voilà ce qu'il vient d'écrire au crayon, dit le garçon de bureau, en présentant au juge un bout de papier sale et froissé, qui paraissait être une feuille arrachée d'un carnet de poche. Charles Bardin y jeta les yeux et fit un haut-le-corps, comme s'il y avait lu quelque chose d'inattendu et de prodigieux. Il ouvrit même la bouche pour dire ce que c'était. Mais il ne la dit pas, et il demanda au messager qui venait d'apporter cet étrange billet. « Quel homme est-ce ? Un homme comme tout le monde, monsieur. Il n'est pas trop mal habillé. Il a une redingote. Il dit qu'il est allé d'abord au parquet, où on n'a pas voulu le recevoir, et que les huissiers l'ont envoyé ici. Il y a 3/4 d'heure qu'il attend dans le corridor. Il y était déjà quand ces messieurs sont arrivés. » Le juge semblait hésiter. Il regardait son père comme s'il eût voulu lui demander ce qu'il pensait de cette visite. Le vieil avocat s'y trompa et dit avec empressement « Cette fois, mon cher Charles, je m'en vais pour tout de bon, et j'emmène Paul. Reçois ce quidam, comme disaient les magistrats du bon vieux temps. Il t'apporte peut-être le mot de l'énigme, et nous serions de trop. Bonne chance et à ce soir, si tu as le temps de passer chez moi. » « Non, mon père, non, restez, je vous prie. Restez tous les deux, » dit vivement Charles Bardin, et s'adressant au garçon de bureau. « Faites entrer cet homme. »« Mais nous allons te gêner, » dit le père Bardin. « Cet homme est sans doute un témoin. Tu ne peux pas l'entendre pendant que nous sommes là, Paul et moi. »« C'est lui qui le demande, » répondit le fils en regardant fixement Paul Cormier. « Comment ? Qu'est-ce que tu nous racontes ? Il nous connaît donc ? Peut-être. Je vais le mettre en demeure de s'expliquer, mais je ne peux pas me dispenser de le recevoir. Je ne comprends toujours pas. » « Vous allez comprendre, mon cher père, et je suis certain que vous m'approuverez. » Paul ne comprenait pas non plus, et pourtant il était sur les épines. Une idée lui était venue tout à coup, et il craignait d'avoir deviné pourquoi le juge d'instruction le retenait. Il se rassura en voyant qu'il ne connaissait pas du tout l'individu qui entra, poussé par le garçon de bureau. La physionomie de ce personnage ne prévenait pas en sa faveur. Quoiqu'il ne fût pas mal vêtu, il ne paraissait pas faire partie de ce qu'on appelait autrefois les honnêtes gens, c'est-à-dire les gens du monde. Il avait plutôt l'air d'un marchand de contremarque, qui aurait connu de meilleurs jours avant de tomber si bas. Le teint était plombé, la bouche crapuleuse, et les yeux fureteurs avaient une mobilité inquiétante. « Qui êtes-vous ? » lui demanda sévèrement le magistrat. « Mon nom ne vous apprendra rien, » répondit l'homme. « Je m'appelle Brunachon, Jules Brunachon. Ma profession, je suis sans place pour le moment, mais j'ai été employé dans un cercle. Avez-vous un domicile ? J'en change souvent. » Mais vous pouvez faire demander mon dossier, il n'y a rien contre moi. S'il y avait quelque chose, je n'aurais pas été assez bête pour venir vous voir. » Le père Bardin se demandait si son Charles avait perdu l'esprit de le garder pour interroger devant lui ce vagabond sur son bon état civil et sur ses antécédents. « Qu'avez-vous à me dire ? » interrompit le juge d'instruction. « Vous le savez bien, puisque je vous l'ai écrit sur ce bout de papier que vous tenez encore dans votre main. Ainsi, vous venez m'apporter des renseignements sur le meurtre qui a été commis ce matin aux fortifications, boulevard Jourdan ? Sur ceux qui ont fait le coup, oui, monsieur. Et vous n'avez pas pu l'empêcher ? Non, il était trop tard, et j'ai eu de la chance qu'ils ne m'ont pas vu, car... Vous auriez pu du moins faire votre déclaration, immédiatement après le crime. Je n'étais pas pressé. Quand on n'est qu'un pauvre diable comme moi, on y regarde à deux fois avant de se mêler de ces affaires-là. Pourtant, je me suis décidé, et j'ai mis de la bonne volonté, car j'ai couru tout le palais avant de trouver quelqu'un qui voulut bien recevoir ma déposition. Enfin, on m'a indiqué votre cabinet, et j'ai joliment bien fait de m'y présenter, puisque pendant que je posais à votre porte dans le corridor, j'ai vu... Commencez par me dire ce que vous avez vu là-bas, sur le chemin de ronde. Voilà, je m'étais attardé hier soir à Montrouge, avec des camarades dans une brasserie. Quand on a fermé l'établissement, ils m'ont lâché aux fortifications. Je ne connaissais pas de garni dans ce quartier-là, et je ne crains pas de coucher en plein vent quand il fait beau. J'ai trouvé un endroit qui me bottait pour dormir, une butte en terre, dans un bastion. Je suis monté dessus, je me suis allongé sur l'herbe, et je n'ai fait qu'un somme. Je pionçais comme une bûche quand j'ai été réveillé par des cris. Je me suis dit méfiance. Et au lieu de me lever, je me suis traîné à plat ventre jusqu'au bord de la butte, et j'ai regardé. Il y avait en bas étendu par terre un homme en bras de chemise, et deux autres qui ont filé sans demander leur reste. Le compte du bourgeois qu'ils avaient refroidi était réglé. Ils ne se doutaient pas que j'étais là. S'ils s'en étaient aperçus, j'aurais passé un mauvais quart d'heure. Vous pensez bien que je n'ai pas couru après eux. C'est pourtant ce que vous auriez dû faire. Pour qu'ils m'estourbissent, comme ils ont estourbi l'autre, merci. Je les ai laissés aller, et quand ils ont été loin, je me suis cavalé. Sans vous occuper du malheureux qu'ils avaient tué ? ça n'aurait servi à rien. Du haut de ma butte, je voyais bien qu'il avait dévissé son billard. Et puis, si je m'étais amusé à le tâter pour savoir s'il était mort, et qu'on m'eût trouvé là, je n'aurais pas été blanc. On aurait dit que c'était moi qui lui avais fait passer le goût du pain. Enfin, vous n'avez pas assisté à l'assassinat, puisque vous dormiez. Non, mais j'ai vu les assassins, comme je vous vois, monsieur le juge. Et c'est pour ça que tout à l'heure... Quelle heure était-il quand vous les avez vus ? Interrompit Charles Bardin. Je ne pourrais pas vous dire au juste, vu que je n'ai pas de montre. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il était à peine jour. Qu'avez-vous fait depuis ce moment-là ? J'ai descendu tout doucement le faubourg Saint-Jacques. J'ai bu une bouteille de vin blanc chez un mastroquet de la rue des Écoles pour tuer le verre. Et après, je suis entré dans une crèmerie de la rue de la Huchette où j'ai cassé une croûte. Mais ça n'a pas passé. L'affaire du boulevard Jourdan m'était restée sur l'estomac. Je me disais que je devrais la dénoncer, et j'avais peur que ça m'attire des embêtements. Alors je me suis baladé par les rues en me demandant ce que j'allais faire. À force de troller dans ce quartier, je me suis trouvé sur le boulevard du Palais, et je me suis dit tant pis. Faut que j'aille conter cette histoire-là à un curieux, pardon, monsieur le juge, à un magistrat. Ça m'a pris tout d'un coup, et je suis entré. Le père Bardin n'avait pas écouté ce fastidieux récit, sans donner des signes marqués d'impatience, et n'y tenant plus, il dit à son fils « Tu n'as plus besoin de nous, je m'en vais, viens Paul. » Paul ne demandait pas mieux, car il prévoyait la fin et il allait suivre le vieil avocat qui se rapprochait de la porte. Un geste du juge d'instruction les retint et ce juge dit brusquement « Alors vous reconnaîtriez les assassins si on vous les montrait ?»« C'est fait pour un des deux, » répondit le nommé Brunachon, « et je suis sûr que je reconnaîtrais l'autre si je le rencontrais. » « Comment c'est fait ?» grommela le père Bardin. « Il ne lui manque plus que de dire que c'est moi. » « Ainsi, reprit Bardin, fils, vous persistez à affirmer que tout à l'heure, dans le corridor où vous attendiez, j'ai vu passer un des deux gredins qui ont saigné l'homme là-bas. Il est entré dans votre cabinet. » « Et le voilà, » dit le témoin en désignant du doigt Paul Cormier. Un obus éclatant au beau milieu du cabinet n'aurait pas beaucoup plus stupéfié les assistants que ne le fit cette déclaration. Le moins étonné de tous, ce fut Paul Cormier, qui depuis quelques instants commençait à l'apprévoir. Mais il ne l'entendit pas sans se troubler, et il se rappela très bien avoir vu, en arrivant, avec le vieil avocat dans le corridor, cet homme assis sur un banc. Le père Bardin interpella son fils. « Voilà donc pourquoi tu nous as retenus !» lui cria-t-il. « Tu crois à les dénonciations absurdes de ce vagabond ?»« Dites donc vous !» lui cria Brunachon. « Pourquoi vous permettez-vous de m'insulter ?» Le juge le fit taire. Il ne pouvait pas tolérer qu'une discussion assénée d'injures s'engageât dans son cabinet. Il savait que son père était très capable de riposter. Mais les choses ne pouvaient pas en rester là, et il dit à ce témoin tombé des nues. « Alors, décidément, vous reconnaissez monsieur ?»« Ah, je crois bien que je le reconnais, » répliqua l'homme. « Prenez garde, vous parlez à un magistrat dans l'exercice de ses fonctions. Si vous mentez, c'est un faux témoignage. Il y va pour vous des travaux forcés. »« Je le sais, mais ce n'est pas encore cette fois-ci qu'on m'enverra à la nouvelle. Je suis sûr de ne pas me tromper. C'est bien lui que j'ai vu là-bas. Et si vous en doutez, vous n'avez qu'à regarder sa figure. » Cormier était très pâle, et le père Bardin, qui l'observait, n'était plus très éloigné de le croire coupable. Il attendait qu'il se justifiât. Cormier restait muet, et ce silence ne rassurait pas du tout l'avocat. Son fils fit la seule chose qu'il put faire pour mettre fin à une situation terriblement tendue. Il sonna, et au garçon qui entra, il donna l'ordre de conduire l'homme dans la chambre des témoins. « Je vous ferai appeler tout à l'heure, » dit-il au dénonciateur qui sortit sans réclamer. Et lorsque le Brunachon eut passé la porte, Charles Bardin reprit. « Vous avez entendu, mon cher Paul ?»« Moi aussi, j'ai entendu, » s'écria le père Bardin. « Et j'espère bien que tu ne vas pas tenir compte des propos d'un ivrogne. Je suis tout disposé à n'y pas croire, mais je voudrais que notre ami m'expliquât. »« Et que voulez-vous que je vous explique ?» interrompit Cormier. « Je ne puis vous répondre qu'en vous posant une question. Me croyez-vous capable d'assassiner ?»« Je n'hésite pas à dire non, mais je ne puis pas m'empêcher d'être frappé d'une coïncidence singulière. » Vous avez appris à mon père que vous vous êtes trouvé mêlé hier à une querelle où il y a eu un mort d'homme. Une bataille à la sortie de Bullier. Ça n'a aucun rapport avec un meurtre commis aux fortifications, interrompit le père Bardin, toujours disposé à défendre le fils de sa vieille amie. Certainement non, dit le juge, mais les choses ont pu ne pas se passer comme le prétend cet homme, dont le témoignage ne me paraît pas, a priori, mériter grande confiance. Je ne demande à Paul que de se justifier en me disant tout simplement la vérité sur cette rixe qui aurait eu lieu, si j'ai bien compris, près de la closerie des Lilas. Paul, ce me semble, n'a pas précisé. Cormier voyait très bien que Charles Bardin lui tendait la perche, et il ne pouvait que lui savoir gré de l'intention, mais il n'en était pas moins perplexe. S'il eût été seul en cause, il aurait profité de la bienveillance évidente du juge pour raconter ce qui s'était passé pendant cette malencontreuse nuit. Mais il lui en coûtait horriblement de compromettre son ami Jean, sans compter Madame de Ganges, qui pourrait bien être touchée par l'instruction, si on venait à découvrir que l'homme tué était son mari. Et d'autre part, Cormier répugnait à s'empêtrer dans des mensonges qu'il ne se sentait pas le courage de soutenir indéfiniment. « Autre singularité, reprit Charles Bardin, je viens de causer longuement avec le chef de la sûreté. Il était encore ici quand vous êtes arrivé. Il ne m'a pas dit un mot d'une bataille engagée près de Bullier, dans laquelle un des combattants aurait été assommé. Il a pourtant lu ce matin les rapports de ses agents, et si on avait ramassé un cadavre autre part qu'au boulevard Jourdan, il m'en aurait parlé. » Bardin père écoutait sans mot dire les sages discours de son cher fils, et il se ralliait peu à peu à son avis. Les déclarations de Paul ne lui semblaient plus suffisamment nettes, et il commençait à trouver lui aussi qu'il fallait que Paul s'expliquât. « Voyons, lui dit-il en lui mettant la main sur l'épaule, il ne s'agit pas de faire l'enfant. Je suis bien convaincu, et Charles aussi, que tu n'as assassiné personne. Mais ce compte que tu m'as fait d'un étudiant resté sur le carreau, cet individu qui te reconnaît, il y a quelque chose là-dessous, dis-nous quoi. Je jure sur ma parole d'honneur que je viens de voir pour la première fois ce drôle qui prétend me reconnaître. Voilà ce que j'appelle une parole évasive. Tu ne l'as jamais vu, soit, mais le récit qu'il vient de nous faire explique très bien comment il a pu te voir sans que tu le voies. Alors, vous aussi, vous croyez à cette butte où il était monté ? Pourquoi pas ? Je ne connais pas celle du boulevard Jourdan, mais j'en connais d'autres. Je vais quelquefois me promener aux fortifications, et j'ai souvent pensé que derrière une de ces mottes de terre, on serait très bien pour se battre en duel. À ce mot de duel, Paul tressaillit. Le père Bardin avait touché juste avec sa finesse de vieil avocat. « Allons donc !» s'écria le bonhomme en se frottant les mains. « Nous y voilà, hic jacet lepus !» Comme disait mon professeur de septième quand il confisquait des hannetons dans mon pupitre. La bataille en question s'est terminée par un duel. « Et quand vous auriez deviné ?» dit Paul avec humeur. « Le cas ne serait pas pendable si le duel avait été loyal, et je suppose que sans cela, tu ne t'en serais pas mêlé. Je vous prie de le croire. » « Alors, demanda le juge, l'homme dont on a trouvé le corps a été tué d'un coup d'épée, oui, monsieur. Mais le témoin que vous venez d'entendre n'a pas parlé d'un duel. Il vient de vous dire lui-même que tout était fini quand il s'est réveillé. Il a vu deux hommes debout et un cadavre étendu sur l'herbe du bastion. Et l'un de ces deux hommes, c'était vous ? Oui, mais ce n'était pas moi qui me suis battu. Alors c'est l'autre ? Oui, nous étions quatre témoins. Trois étaient déjà partis quand ce rôdeur nous a vus. Il a eu soin de ne pas se montrer, et nous ne nous sommes pas doutés qu'il était là. Et cet autre, celui qui a tué, c'est un de vos amis ? Paul ne répondit pas. Enfin, reprit le juge, vous le connaissiez, puisque vous lui avez servi de témoin. Paul fut tenté de dire que, s'étant trouvé par hasard assisté à une querelle entre des étudiants qu'il n'avait jamais vus, il avait consenti par crânerie à les assister sur le terrain. Mais c'eût été trop invraisemblable, et d'ailleurs il était las de mentir. Après avoir un peu hésité, il répondit « C'est vrai, je le connais. Alors, nommez-le-moi. Je ne puis pas. Et pourquoi, je vous prie ? Parce que je ne suis pas tenu de le dénoncer. C'est l'opinion de votre père qui connaît à fond les lois. Je veux bien avouer que j'ai pris part au duel. En avouant cela, je ne m'expose qu'à me nuire à moi-même. Je n'ai pas le droit de nuire à un camarade. Vous exprimez là un sentiment généreux. Mais je ne saurais admettre que vous refusiez d'éclairer la justice, et vous devez désirer que la lumière se fasse. » « D'autant que je me charge de l'affaire, moi, la lumière, » dit le père Bardin. « Je vois qui c'est, ton camarade. Je l'ai deviné en venant ici, quand tu m'as raconté qu'on s'était cogné à la porte de Bullier. Il est assez connu au quartier. Charles n'aura pas de peine à le trouver.